Vendredi 29 septembre, bienvenue aux différents. Mélanie Fleurant avec vous jusqu'à 10 heures. Vous êtes à l'antenne de CKRL au 89.1. Ce midi, mon Dieu, je suis déjà rendue à midi, ne vous trompez pas, il est toujours 9 heures. Est-ce que vous vous êtes déjà impliqué dans une cause à laquelle vous n'avez aucun lien d'attachement personnel? C'est-à-dire qu'habituellement, les gens qui vont s'intéresser à des causes, c'est souvent des causes dont un proche est atteint. Si on parle de maladie, par exemple, ou qu'eux-mêmes sont touchés. Quand les gens s'intéressent à telle cause, ben il y a quelqu'un autour d'eux ou eux-mêmes. Mais ce matin, on parle vraiment de philanthropie, mais vraiment large. Et avec mes invités, on va pouvoir voir que même si on n'est pas concerné personnellement, on peut s'intéresser aux autres. C'est vraiment une émission de cœur. Ce matin, on fait du bien. On n'est pas dans le tabou, on n'est pas dans le préjugé. On est plus dans la différence d'aider les causes, les différents, en gros. On pourrait résumer ça comme ça. Mes invités, Julie Collin, blogueuse, rédactrice du blog Julie Lioli et impliquée dans la cause de l'alphabétisation. Bonjour Julie. Bonjour. Bonjour. Écoute, attends, on va redire bonjour parce que... On m'a pas entendu. On t'a pas entendu. Hey, mais c'est tellement habituel aux différents que les gens sont habitués, les auditeurs sont habitués de mes erreurs de régie des fois. La mise en onde est différente. La mise en onde est différente aux différents. Très bien dit. Tu t'intéresses à l'alphabétisation, toi, dans ton cas? Oui, tout à fait. On va en parler un petit peu plus tard, un peu plus en détail de qu'est-ce que tu fais avec ton blog, justement, parce que c'est un blog littéraire. Oui, tout à fait. Donc, je parle de livres, entre autres, et d'alphabétisation. C'est un sujet qui est... C'est deux sujets, des fois, qu'on peut penser qui vont, oui, ensemble et non ensemble. Mais je t'expliquerai ça un petit peu plus tard. Parfait. J'ai aussi avec moi Kim Conroy. Conroy. Désolée. Puis en plus, j'ai pratiqué avant. Pour qui la cause? Ben elle, sa cause, c'est l'épidermolyse bulleuse. C'est une maladie génétique rare et incurable. Et cette cause-là te tient à cœur aussi. Dans vos deux cas, vous n'avez pas de gens qui sont analphabètes. Dans ton cas, Julie. T'as pas l'air sûr. Moyen. Moi, c'est plus indirectement. Là, indirectement. Mais, ouais. Et du côté de Kim... on parle de... Il faut vraiment que je le lise à chaque fois parce que c'est un exercice de diction de l'épidermolyse bulleuse. Ça, c'est une maladie. Il n'y a personne, toi, dans ton entourage non plus qui a cette maladie-là. Heureusement, on pourrait dire ça parce que c'est une maladie qui est très rare. Oui, exactement. Là. Au Canada, il y a juste à peu près 2000 personnes qui ont cette maladie-là. Donc, c'est très, très, très peu connu. Oui, c'est peu connu, puis j'aimerais ça qu'on la fasse connaître, cette cause-là, cette maladie-là. Pourquoi vous êtes intéressée à une cause qui ne vous touche pas directement? Je vous pose la question. En fait, je peux peut-être commencer. Vas-y, Julie. En fait, pourquoi m'intéresser à cette cause-là? Parce que pour moi, l'écriture, la lecture, c'est vraiment important dans ma vie. C'est vraiment une chance que j'ai. Je suis convaincue que c'est une chance que j'ai d'avoir la facilité, d'avoir la capacité, d'avoir la possibilité de lire puis d'écrire. Oui. Ça remplit ma vie, là. Ma vie est orientée beaucoup vers ça. Puis il y a des gens, pas juste ailleurs. Des fois, les gens imaginent que c'est dans le tiers-monde, là, tu sais, puis ils imaginent des affaires un peu dans la brousse, puis ça, mais au Québec, en 2017, maintenant, là, on parle à peu près 53% de la population active, donc entre 5 et 65 ans. Donc, on parle pas du petit neveu qui a pas encore appris à lire, là, qui a des difficultés en lecture et en écriture. Assez pour, des fois, que ce soit un paragraphe qui ne comprenne pas le sens. Mm-hmm. Tu sais, des fois, on imagine, ah, tu sais pas lire, ça veut dire que tu peux pas lire un nom sur une pancarte ou peu importe, c'est pas nécessairement ça. Ça peut être ça. Non, ça peut être ça ici aussi. Ça peut être ça, mais c'est pas... que ça. C'est pas que ça. Ça, c'est assez minime aussi. Là, c'est 16%. Qui... C'est déjà trop. Oui, c'est déjà... Sérieusement, ça serait 1%. Pour moi, ça serait déjà trop. Fait que, mais c'est ça. C'est que pour moi, c'est tellement une chance que j'ai. Mais, puis quand on réalise à quel point qu'on écrit puis qu'on lit beaucoup, puis qu'il y a des gens qui n'ont pas accès à ça, ça n'a pas de sens. Là. Juste lire les ingrédients, je me rappelle, on avait reçu justement Alphabet Vanier l'an passé. Et juste lire les ingrédients pour aller à l'épicerie, par exemple, qu'est-ce qu'on achète? Les 100 noms. On les voit, ben oui, on les voit, mais ils veulent savoir, y a-tu du sucre, y a-tu du sel non, dedans, ça. Y a-tu, c'est quoi la... Il n'y a aucune compréhension non, là, dans beaucoup de cas. Donc, mais qu'est-ce qui a fait que ça t'a intéressé? à part ça. Ouais, ben j'ai déjà travaillé en alphabétisation il y a plusieurs années. Ah, OK. Oui, c'est sûr qu'il y a une partie qui vient de là. J'étais quand même déjà consciente que ça existait, mais de l'avoir vu concrètement, d'avoir vu les gens à quel point ils étaient mal à l'aise, à quel point que il y en avait qui partaient vraiment de loin, à quel point c'est humiliant de ne pas avoir ta pleine autonomie, à quel point c'est limitant d'avoir vu aussi tous les succès, d'avoir vu les gens évoluer, d'avoir vu des petits miracles, tu sais, puis tout ça, c'est quand même, tu dis, ben, gars, moi aussi, j'ai envie de faire quelque chose pour ça, là. Mm-hmm. Puis si je peux bien humblement contribuer à ça, ben oui. Ouais. Puis ta cause, Kim, dans ton cas, c'est une maladie qui est rare, je le répète. Mm-hmm. Qu'est-ce qui a fait que tu as eu le déclic pour ta cause? Ben, j'écoutais un documentaire sur une chaîne américaine et j'ai vu l'histoire de Jonathan Pitre, qui est un des ambassadeurs de cette maladie. Dans le documentaire, on avait vraiment une incursion dans sa vie personnelle. C'est quoi son quotidien? Et c'est tellement venu me chercher. Tu sais, c'est ça que je dis. Moi, j'ai pas choisi cette cause-là. C'est la cause qui m'a choisi. Qui t'a interpellée, en tout cas. Oui, vraiment. Ça, c'est sûr. Voir cet enfant-là souffrir, parce que ces gens-là souffrent continuellement. Oui. Ça, c'est la maladie, c'est ça. C'est la souffrance. Et de voir cet enfant-là souffrir de la sorte, je ne pouvais pas m'imaginer. Je ne pouvais pas m'imaginer être mère d'un enfant qui passe sa vie à souffrir, là. Je me suis dit, non, je dois faire quelque chose. On dirait que ça a été un déclic dans ma tête, ça a été instantané. Je ne pouvais pas rester là, rien faire. Ce n'était pas une autre cause nécessairement qui t'interpellait, c'était vraiment celle-là. Puis, ça fait combien de temps que tu t'intéresses à cette cause-là, que tu t'impliques? Le documentaire, je l'ai vu il y a à peu près 2 mois. Donc, ça a été 2 mois très, très intenses. J'ai appelé la Fondation. J'ai laissé un message très, très étrange à la Fondation. Je leur ai dit, avez-vous un endroit à Québec où je peux aller chercher de l'information? Avez-vous un bureau à Québec? Oui. Ça a été des comment. Comment je fais pour aider? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je peux faire une levée de fonds? Est-ce que je peux m'impliquer? La madame de la Fondation, Erin Hoyos, elle est d'une patience. Elle m'a rappelé, elle m'a dit, je suis tellement enthousiaste qu'une fille de Québec nous appelle et veut faire de quoi avec nous. Elle dit, t'as juste à nous soumettre ton idée, on embarque avec toi. Et ça, c'était vraiment magique, là. Mais il y a eu une ouverture. Dans le cas des deux causes, il y a des ouvertures des organismes que vous avez approchés. Ils sont contents. Dans ton cas, avec Debra Canada, il n'y a pas de place ici au Québec et à Québec encore moins qu'on parle de cette cause-là, là, de l'épidermolyse. Désolé. On peut dire EB aussi. Le B. C'est moins compliqué. C'est bon, c'est ça. Beaucoup moins compliqué. On a la bouche pleine à dire ce mot-là. C'est les lettres sans mal, oui. Mais c'est plus communément appelé EB aussi. EB, oui, mais je comprends pourquoi. C'est moins difficile. Moi, j'aime ça, faire des exercices de diction à la radio. Directement, pas chez nous, à la radio, je l'ai fait. J'aimerais ça qu'on parle de ta cause, Kim, parce que l'EB, ou l'épidermolyse bulleuse, c'est quoi la... On dit, bon, c'est rare tout ça, on vient d'en parler un petit peu, les gens souffrent. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi la particularité de cette maladie? Bien, tout simplement, les gens qui sont atteints de cette maladie-là n'ont pas la colle qui tient la peau sur le corps. T'sais, nous, notre peau, elle tient avec des petits crochets avec notre corps, mais eux autres, ils n'ont pas ça. Donc, la peau vraiment s'enlève de sur leur corps. Là. Ce qui la caractérise plus, excusez-moi, moi aussi, je fais des... c'est contagieux ici. C'est contagieux, c'est ça. Dans le fond, le corps fait des bulles. Et quand les bulles éclatent, ça fait des cicatrices, mais qui ne guérissent jamais. Alors, la peau est vraiment à vif. Quand tu parles des bulles, c'est vraiment comme nous, on pourrait, admettons, pour s'imager, vraiment, qu'est-ce que ça ressemble? C'est un peu comme des ampoules qu'on se fait, admettons, avec des souliers. Exactement, en ayant travaillé de nos mains, ça peut arriver. Exactement. Sauf qu'eux autres... Sauf qu'eux autres, c'est tout le temps. Ça guérit jamais. Puis comment ça peut arriver, ces cloches-là? Des fois, c'est spontanément, ou des fois, c'est un simple frottement. Juste le fait de ramper pour les bébés, le fait de s'habiller aussi, c'est un frottement sur la peau, là, n'importe quoi. Là. Ça peut créer une petite bulle, et là, la bulle, justement, prend de l'ampleur, éclate, puis elle guérit jamais, là. Puis on s'entend que porter des vêtements, c'est quand même la base dans la vie, là. C'est un minimum. Oui, mais c'est ça. Ces gens-là ont des embûches que nous, on n'a pas, là. Uh-huh. S'habiller, là. Nous, on va au magasin, on s'habille. Ah, oh, tu sais, je l'ai là, il est beau, on le prend. Ces gens-là, non, il n'y en a pas question, là. Tous leurs vêtements sont faits par des compagnies spécialisées. Ils n'ont aucune couture. Parce qu'une couture peut créer un frottement. Et justement, créer un inconfort ou justement, là, ouvrir une plaie. C'est très... Les souliers, les enfants, juste aller choisir une paire de souliers, déjà que c'est assez compliqué de choisir des souliers. Et pour eux, il faut avoir aucun frottement pour pas avoir d'inconfort, pour éviter justement ouvrir les plaies et le frottement. Ces enfants, ben pas juste les enfants, mais les gens atteints de cette maladie-là ont des bandages partout sur le corps. Mais là, il faut adapter les souliers. On peut-tu mettre les souliers avec les bandages? Qu'est-ce qu'on fait avec les souliers? C'est un exemple parmi tant d'autres, mais c'est quelque chose. Là. Juste se vêtir, des souliers, manger est un obstacle. Là. Même, j'avais entendu parler aussi de prendre un bain. Tu sais, de se laver, oui. Ça ne doit pas être facile non plus. Là. Il y avait un documentaire, l'autre fois, dont j'entendais parler. Je pense que c'est Élie Mistral gagnant, où est-ce qu'il parlait de ça? Oui. Puis il disait que juste le bain, c'est vraiment pas facile. Non, là, c'est vraiment difficile, le bain, là. Là, il faut se dire que pour enlever les bandages, ils sont dans le bain. Donc là, c'est très, très long, le bain. C'est très, très souffrant parce que là, on enlève les bandages, la peau, elle est mise à nu, pour vrai, là, dans le bain. Après ça, il faut sortir du bain, il faut se faire sécher, là. C'est très, très, très, très, très... C'est un casse-tête, là. C'est vraiment, vraiment un casse-tête. Et qu'est-ce qui cause ça? Qu'est-ce qui cause cette maladie-là? C'est une maladie génétique. C'est vraiment la génétique, là. C'est, OK. Puis, est-ce que est-ce qu'on peut guérir? Est-ce qu'il y a des traitements qui existent par rapport à cette maladie-là, le B? Elle se guérit pas. La technologie n'est pas rendue là encore. La médecine n'est pas rendue là encore. Mais il y a des traitements. Il y a des traitements expérimentaux. Et puis, il y a des traitements expérimentaux qui fonctionnent. Quand on a des belles percées, là, présentement. C'est vraiment, vraiment encourageant, là. Un des ambassadeurs, Jonathan Pitre, que je parlais tantôt, oui, est parti au Minnesota, justement, pour suivre un des traitements expérimentaux. Et ça fonctionne! Puis ce traitement-là, si je ne me trompe pas, c'est au niveau de la moelle osseuse? Exactement, oui. Dans le fond, ils ont pris la moelle osseuse de sa mère. Ils l'ont injectée dans son corps pour stimuler l'apparition des globules blanches. Okay. Et c'est les globules blanches qui font le collagène dans la peau. Mm-hmm. C'est pour stimuler le collagène, okay, pour réparer la peau. Et là, ça fonctionne. C'est sûr que ça va juste rendre sa vie meilleure, dans le fond. On s'en va vers le confort au lieu de l'inconfort. Là, tu disais que c'était au Minnesota, c'est que c'est sûr que c'est quand même des traitements qui sont beaucoup plus chers que si c'était la RAMQ, mettons. On s'entend? Oh oui, c'est qu'au oui, niveau du financement, pour ça doit être un stress supplémentaire, dans le fond, pour les familles. Oui, oui. Et c'est pour ça que Debra Canada aussi est là. Debra soutient les familles, paye une partie de leur traitement. Mm-hmm. Ça peut aller jusqu'à $1 million, là. Puis, très, très cher. Ce qui entoure cette maladie-là, par exemple, je t'ai posé la question déjà, mais en pré-entrevue, en fait, l'espérance de vie de ces gens-là, parce que je t'ai posé la question, j'ai dit, j'ai pas vu d'adultes qui sont atteints. Puis c'est là où est-ce que tu m'as dit qu'il y a une espérance de vie assez réduite. Elle est courte. Elle est courte, hein? Oui, elle est très courte. Tout dépendant de la gravité de la maladie, parce que y a le spectre de cette maladie est très, très large. Donc, quelqu'un qui a vraiment qui est atteint vraiment gravement de cette maladie-là, peut décéder dans les premiers 2 ans de sa vie, là. C'est une maladie qui est très, très envahissante, là. C'est pas juste l'extérieur du corps qui est touché, c'est l'intérieur aussi. Les organes internes peuvent être touchés aussi. OK, les organes, OK, là, on parle de peau. Je vais juste résumer pour les auditeurs. Il y a la peau avec les espèces de cloques d'eau qui apparaissent au moindre frottement, mais il y a les organes internes aussi qui sont affectés. Oui, parce que ça affecte les muqueuses aussi. Okay. Il y a des gens qui mangent plus parce que l'œsophage vient cicatriser avec le passage de la nourriture. Donc, c'est extrêmement souffrant, puis ça fait que ces gens ont de la misère à respirer aussi. Donc là, ces gens-là, ben, ils ne mangent plus, ils passent simplement par le gavage. Mm-hmm. C'est très, très, très, très, très envahissant. Et c'est toute une cause que tu as... je comprends pourquoi que ça t'a attiré pour aider, pour faire des choses. Puis tu es impliqué depuis peu de temps en plus dans cette cause-là qui est... Ben, je vais le redire, le terme complet qui est l'épidermolyse bulleuse. C'est vraiment l'épiderme, les bulles au niveau de l'épiderme, entre autres. Mm-hmm. Aussi, j'ai lu que manger... Ça se peut-tu? Tu parlais des muqueuses, tout ça. Même manger, c'est la place où est-ce qu'il y a le plus de c'est pas des ulcères qui se créent dans la bouche aussi, mais c'est... fait qu'on parlait de l'habillement qui est difficile, le déplacement, les souliers, les vêtements qui sont, bon, comme on disait, sans couture. Mais manger aussi, est-ce qu'on fonctionne au gavage ou dans ce cas-là? Ou... Il y a des certaines personnes que oui, vu que l'œsophage est très, très... L'œsophage vient tout cicatriser avec le passage de la nourriture. Et là, ça fait qu'il y a même certaines personnes qui doivent se faire réouvrir l'œsophage parce que à force d'être cicatrisé, vient qu'à se fermer. Oh, OK. Oh oui, c'est quelque chose. Donc oui, il y a certaines personnes qui sont vraiment atteintes, qu'eux autres, c'est le gavage. Parce que, tu sais, l'œsophage, on respire par là aussi, c'est la gorge. Mm-hmm. Fait que pour que leur respiration soit moins difficile, ben, ils ont pris le choix de plus manger. Ils se font gaver. Mais ils n'ont pas le choix. À un moment donné, physiquement, c'est rendu difficile, ce que je comprends. On va prendre une pause musicale. On va, c'est lourd comme maladie, vraiment. Là. La maladie, c'est jamais simple, mais c'est je t'écoute parler, puis c'est... J'ai pas de mots. J'ai ce que je trouve triste, c'est qu'on n'en entend jamais parler. Ben oui, ben ça ressemble à ce que je lui ai dit aussi quand on m'a approché pour ce thème-là de parler de la cause. J'ai dit, mais je connais pas ça. Et pourquoi on n'en entend pas parler? Ben ici, on en entend beaucoup moins parler, mais à Montréal, il y a une clinique d'épidermolyse bulleuse à Sainte-Justine. Donc, tu sais, nous ici, on n'est pas... en guillemets, spécialisés. Mais eux autres, ils ont vraiment une clinique. Il y a trois cliniques, dans le fond. Il y en a une en Ontario, une en Colombie-Britannique, puis une à Montréal. Donc, tu sais, pour aider ces gens-là, puis à leur donner du soutien, puis pour la médication donc, aussi. Donc, autrement dit, on va en reparler au retour de la pause. Autrement dit, les gens, admettons, s'il y a des cas, parce qu'il n'y en a pas tant que ça, tu me disais, c'est quoi, c'est 2000 cas? Oui, 2000 à 2500, oui. Qui sont répertoriés. Et puis, autrement dit, on va en parler après la pause. Quand ça arrive, admettons, à Québec ou en région plus éloignée, faut aller tout le temps à Montréal pour subir des traitements. C'est pas évident. On va parler de la fondation aussi d'Ebra Canada tout de suite après la pause musicale. On vous revient. Vous êtes toujours à l'émission Les Différents. Mélanie Florent avec vous jusqu'à 10h et avec mes invités. On parle de philanthropie, mais entre autres, on parle de deux causes en particulier, soit la cause de l'alphabétisation avec Julie Collin et de l'épidermolyse bulleuse, communément appelée EB, avec Kim Conroy. Rebonjour à vous deux. Rebonjour. Bon, on disait avant la pause, on a expliqué la maladie, qu'est-ce que c'était, puis c'est vraiment une maladie qui est très difficile, soit les cloques qui se créent, mais c'est vraiment la peau, l'épiderme qui ne colle pas au tissu, parce que aux autres couches, en Exactement, fait. Oui, c'est ça. En gros, je pourrais résumer ça comme ça. Et les muqueuses qui sont aussi impliquées, on peut avoir des cloques dans la bouche, dans l'œsophage. On parlait aussi du gavage. Tout Exactement. Ça. Pour résumer aux auditeurs qui n'étaient pas à l'écoute, si là, comme on disait, c'est à Montréal, à Sainte-Justine, qu'on peut aider, qu'on peut voir, par exemple, une clinique où est-ce qu'il y a des soins qui sont apportés. Quels soins sont apportés? Puis justement, on disait aussi, là, les gens, mettons, qui sont de Québec ou de, je sais pas, Rivière-du-Loup, peu importe, il faut qu'ils descendent tout le temps à Montréal. Ça doit pas être évident. Et Débras Canada aide ces gens-là aussi à se déplacer. Désolée, j'ai manqué de voix. Oui, oui, bien, Débras Canada aide financièrement aussi les familles qui ont besoin d'aide. Là. Mettons, par exemple, un enfant qui a besoin d'un lit, ben eux autres, ils vont payer pour avoir le lit, pour aller le placer à la maison. Mm-hmm. Erin m'expliquait cette semaine que, mettons, on voit beaucoup de réfugiés là, qui viennent, mais il y a un couple de réfugiés syriens qui sont arrivés ici, mais ils n'ont pas d'assurance, ces gens-là, là, encore. Alors, Débras Canada les ont pris, là, littéralement. Ils sont touchés par cette maladie-là, oui, aussi? Oui, oui. Okay. Cette maladie-là ne fait aucune distinction de race, de genre. Peu importe. Peu importe. Mais c'est ça, Débras Canada ont aidé ces gens-là. Tu sais, l'enfant avait besoin de vitamines. On voit souvent les enfants atteints de cette maladie-là, ils sont vraiment tout petits. Ils n'engraissent pas parce que le corps fait juste essayer de combattre et essayer de guérir. Alors, il est toujours là, comme en survie, si on veut le corps. Exactement, exactement. OK. Puis, au niveau des traitements, qu'est-ce qui existe? Tu as parlé, oui, un peu de la moelle osseuse, qui a eu un traitement expérimental au Minnesota. Mm-hmm. Ça a l'air à fonctionner, ça a l'air à apaiser, peut-être? Qu'est-ce que ça fait? Mais ça fait qu'au lieu d'avoir la peau à vif, toujours, mm-hmm. mais là, la peau commence à cicatriser. Elle se régénère, ce que normalement leur peau ne font pas, là. Est-ce qu'il y a d'autres traitements aussi qui existent présentement? Parce que là, on parle d'un traitement expérimental qui semble avoir bien fonctionné, mais mm-hmm. qu'est-ce qu'on fait ici, présentement, admettons, à Sainte-Justine? Mais présentement, les seules choses qui sont données aux patients, c'est vraiment pour contrôler la douleur. Parce que il n'y a comme rien à faire. Tu sais, à part si on va vraiment dans des cliniques vraiment plus spécialisées à l'extérieur du pays, que là, c'est vraiment un traitement expérimental qu'on leur donne. Mais ici, on travaille beaucoup plus à apaiser leur souffrance et à faire qu'on travaille plus dans le bien-être plutôt que ces gens-là restent dans la souffrance, dans le fond, là. On travaille plus sur les bandages, on travaille plus aussi... ils travaillent aussi beaucoup avec des physiothérapeutes aussi pour garder la mobilité des membres. Là. Mais, tu sais, oui, ouais, c'est je un... Je te laisse aller. Pardon, excuse. Non, oui, c'est vraiment un sujet qui est très, très lourd. Oui, puis tu l'as dit au début, je parlais de Jonathan Pitt tantôt. Jonathan, là, présentement, il a 17 ans. Mais, une couple d'années, il a fait un super beau discours à We Day en Ontario. Mm-hmm. Il a parlé en avant de 100, il y avait 120 000 personnes dans le stade. Oui, oui. Puis il a commencé son discours par oui, moi j'ai vu de la souffrance. Oui, moi la majorité de ma vie est dans un fauteuil. Mais c'est le plus gros négatif que vous allez entendre de moi. Là maintenant là, vous allez entendre le positif. C'est quoi son discours? Parce qu'on l'a choisi comme ambassadeur, un des ambassadeurs, mm-hmm. en fait, de Débras Canada. Mm-hmm. C'est quoi son discours? Il a l'air tellement inspirant, ce jeune-là. Hein? Ce jeune-là, là, il passe la majorité de sa vie en chaise roulante. On le voit dans le documentaire, là. Mm-hmm. Sa vie est basée sur la douleur. Cet enfant-là, là, les gens qui ont cette maladie-là ont beaucoup de misère à dormir parce que la douleur est tout le temps, tout le temps, tout le temps présente. J'ai remarqué que les enfants ont tellement une vision de la vie qui est belle. Ils ont des rêves. Ils sont vraiment... ils aiment beaucoup la vie. Et Jonathan, dans son discours, il disait « Les seules vraies limites qu'on rencontre dans notre vie, c'est les limites que nous, on s'impose. » Mais c'est tellement beau. Lui, là, sa vie, c'est sa chaise roulante et sa maison. Mais il dit, attends, là, moi, je passerai pas ma vie comme ça, là. Moi, j'ai des rêves et je vais les atteindre. J'ai tellement trouvé ça génial. Puis dis-moi, là, je peux juste aller de l'avant. Mais je trouve ça tellement beau comme phrase parce qu'il dit non, regarde, moi, c'est pas ma maladie qui va m'avoir. Mm-hmm. Tu sais, lui, il dit non, non, regarde, là, moi, je vais grandir, je vais avoir une vie. Lui, il voulait être recruteur pour la Ligue nationale. Oui, il trippe hockey. Ah, oui, j'ai, lui... vu que, j'ai vu quelques reportages dans différents journaux où est-ce que lui, il aime les sénateurs d'Ottawa, si oh, je ne me trompe oui. pas. Puis, oui, il a rencontré l'équipe, il est très... Oui, oui, oui, il est très sports, impliqué. Mais il ne peut pas pratiquer des sports, ça demande... Non, il ne peut plus maintenant, oui. Il ne peut plus maintenant. Quand il en pratiquait, je disais, ça peut prendre plusieurs jours à s'en remettre de... Oui, c'est ça, son corps ne peut plus accepter les chocs, là, autant, mettons, que quand il était plus jeune. Là, oui, il est obligé de faire un deuil de le sport qu'il adorait. Mais il dit, attends, là... Oui, peut-être que je peux faire un deuil de jouer au hockey. Mais attends, moi, je peux être dans les estrades. Je peux quand même avoir une vie, là. Est-ce qu'il est né avec cette maladie-là? Oui, tu nais avec cette maladie-là. Oui, tu nais avec. Oui, c'est quand... génétique, oui. Ah oh, non, mais ça aurait pu comme se déclarer au bout d'un certain temps. Non, là, non, moi, non. Je connais pas ça, mais non, là, non. Est-ce que... Dans le fond, il jouait, puis il était déjà souffrant, dans le fond. Il avait déjà mal, mais il jouait quand même. Oui. Il était capable de jouer jusqu'à un certain niveau, mettons, puis d'avoir mal. Ça avait des conséquences, puis tout ça, mais... Mm-hmm. Son corps lui permettait quand même d'être un enfant, dans le fond. Oui. Oui, oui. Quand même au début. Mais éventuellement, la maladie a comme pris beaucoup plus d'ampleur. Okay. Fait que là, c'est pour ça. Elle progresse, la maladie. Oui, elle progresse, la maladie. Okay. Oui, oui. OK. C'est à suivre. Puis même, je vais donner aussi, je vais vous le répéter à la fin de l'émission aussi, le documentaire qu'on parlait et les Mistral gagnants, il y a un petit garçon aussi qu'on voit dans le documentaire, on en rencontre plusieurs. C'est, si vous voulez le voir, c'est à partir du 1er octobre, justement, au cinéma Le Clap à Québec. Donc, j'ai vu un extrait. Je mettrai la bande-annonce sur la page Facebook des différents et vous allez voir, il y a ces 5 ou 6 enfants, mais vraiment, là, vous allez les voir, c'est d'une sagesse qui se nomme même pas. C'est incroyable, c'est d'une beauté de voir ces jeunes-là qui vivent avec des... Bon, dans ce cas-là, c'est différentes maladies, mais par contre, la maladie dont tu parles, le B, est citée là-dedans. Il y a un petit garçon, puis ils sont inspirants, ces jeunes-là. Je vais mettre le lien, c'est sûr et certain, sur Facebook pour que les gens puissent se sensibiliser à cette cause-là. On prend une pause et au retour, on change de cause. On s'en va vers l'alphabétisation avec Julie Collin. Et je te garde avec moi, Kim. Ça te va? Oui, merci. À tout de suite. Vous êtes de retour à l'émission Les Différents. Mélanie Fleurant avec vous jusqu'à 10h pour moins de 30 minutes, même 25 minutes qui restent à l'émission. Ça passe trop vite, comme d'habitude. On parle d'aider les autres, d'avoir le cœur sur la main sans avoir quelque chose nécessairement en retour. Et ça existe de pas être touché personnellement par une cause, mais d'être touché par le cœur. Tu sais, ça se peut que dans notre vie, je te vois, Julie, que tu me regardes. Ça se peut que dans une vie, on soit touché par une cause, mais sans la vivre nécessairement. Et c'est comme ça qu'on s'implique aussi. C'est d'une grande générosité. Mes invités, Julie Collin, blogueuse, rédactrice du blog Julie Lioli et Kim Conroy de... je m'en allais dire de la Fondation, mais non, même pas. J'aimerais ça. T'aimerais ça? Le message est lancé. Pourquoi ne pas partir un bureau à Québec pour aider les gens de Québec et des alentours qui, toi, tu t'impliques dans la cause de l'épidermolyse bulleuse. Je m'en viens à dire de mieux en mieux. T'es bonne. Oui. Je m'en viens bien. Julie, toi, ta cause, c'est l'alphabétisation. Oui. T'as un blog. J'aimerais ça qu'on parle de ton blog aussi. Oui. Qu'est-ce que tu fais avec Julie Lioli? Si on le dit vite, ça ressemble à un nom italien, mais... Ah, ça fait pas que je l'entends, celle-là. Julie Lioli. Ouais. Ah, c'est bon, j'aime ça. Des fois, il y en a qui trouvent que ça ressemble un peu folklorique, là, tu sais, un peu comme, voyons, la Bolduc ou quelque chose comme ça. Moi, je m'attends toujours à avoir une chanson comme ça, mais sinon, il y a des gens aussi qui comprennent Julie au lit. Ça, ils sont vraiment déçus quand ils s'aperçoivent que je suis pas dans mon lit, en tout cas. Mais... Ça n'est pas vrai, tu te promènes chez les libraires dans oui, un lit en oui, plus. Mais ça, c'est un lit de chez Sears. C'est vrai, t'as raison. C'est vrai, t'as raison. J'aimerais qu'on explique en premier. Qu'est-ce que tu lis au lit? Comment tu le transmets? Oui, bien en fait, l'histoire de mon blog, c'est que moi, je lis depuis toujours, là, dans le sens que quand j'ai appris à lire, ça a comme changé ma vie. Tu sais, c'est vraiment devenu un refuge pour moi. C'est tout. En fait, c'est la façon que j'apprends, c'est la façon que je me calme les nerfs, c'est la façon de tout, là. C'est une passion. C'est une passion de là, toujours, là, finalement. J'ai toujours aimé les livres, puis c'est ça, puis j'avais goût de partager cette passion-là. Tu sais, des fois, je me retrouvais où est-ce que j'ai discuté de livres avec des gens, puis là, je disais, hey, j'ai pensé à toi. Puis ils n'étaient pas seulement rendus là dans leur vie. Tu sais, des fois, mettons, tu sais, les gens sont comme, ah oui, t'as pensé à moi, ok, parfait. Mais je me retrouvais devoir en reparler, puis ça, puis je m'étais dit, ce serait le fun éventuellement un blog, mais tu sais, un blog de lecture, ben, en veux-tu, en voilà, il y en a partout, tu sais. C'est un peu ça. Oui, puis c'est souvent aussi des critiques, des. C'est ça, puis moi, j'avais pas envie d'aller dans la critique. J'avais envie de partager des affaires que j'aimais, mais j'avais pas envie de descendre des livres ou de devoir m'obliger à parler ou peu importe. Tu sais, je voulais vraiment avoir quelque chose de différent. C'est que ça restait de même. Puis c'est que finalement, j'ai pas démarré mon blog à ce moment-là. Puis à un moment donné, j'ai eu une épiphanie où je me suis dit, si je partageais ma passion de la lecture avec des gens qui ont une passion pour la lecture, puis qu'ensemble, on pouvait amasser des fonds pour aider des gens à ce qu'ils développent leur passion de lecture, ça serait parfait. Puis j'ai vraiment eu un flash là, de fou. Là. C'est comme ça. Ok, vraiment c'est arrivé comme ça. Là. Ah, ouais, c'est ça vraiment foudroyé. Un flash. C'est pas, t'as parti ton blog et après ça, t'as. J'ai amené... même pas parti mon blog. Il était même pas parti. C'est ça. Ok. Il était même pas parti parce que ça, je me disais, j'avais pas vraiment quelque chose à porter à Blogosphère en disant bravo, j'aime lire. Là. Tu sais, je voyais pas l'intérêt. Puis c'est t'avais ça. T'avais besoin vraiment de te sentir c'est... utile. Là. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis là, j'ai eu comme l'épiphanie. Puis là, je me suis dit, ok, comment je peux faire ça? C'est que là, j'en ai pas parlé à personne. Puis j'ai commencé à monter mes affaires tranquillement pas vite. C'est que j'étais dans le placard des blogueuses. Personne ne savait que j'avais mon blog. Parce que je voulais pas que les gens me disent, ben voyons donc, Julie, pourquoi que les gens, tu sais, ils donneraient de l'argent, pourquoi, nanana. Tu sais, je voulais pas me faire décourager. Te faire, d'avoir à expliquer tout le temps qu'est-ce que t'avais, puis c'était pas encore, oui, juste. Puis c'était pas clair encore comment j'étais pour le faire. Et là, c'est encore, on se met encore plus en doute dans ce temps-là. C'est ça, puis j'avais pas envie que les gens me disent, ah ben Julie, ça marchera pas. Tu sais, c'est que je me suis dit, je vais l'expérimenter toute seule, puis je vais voir c'est quoi les possibilités. Comment je peux faire pour, avec ce flash-là, faire quelque chose. Puis là, je me suis dit, ben, ça se trouve, ça existe déjà. Sauf que ça n'existe pas. Puis à ce jour, je suis encore la seule à faire ça. C'est que dans le fond, j'ai démarré un blog où je me suis affiliée avec les libraires.ca, qui est un réseau de libraires indépendantes du Québec, de l'Ontario puis du Nouveau-Brunswick. Ça regroupe en ce moment peut-être 109 librairies indépendantes, dont les librairies Pantoute, Morancy, Cartier. Puis ça, il y a plusieurs librairies qu'on connaît bien dans la région. Donc, je me suis affiliée avec eux. Puis quand les gens font des achats de livres sur mon blog... Ils achètent dans le fond sur leur site, eux autres, leur site transactionnel. Donc, moi, je vois pas les coordonnées bancaires des gens et tout ça. C'est vraiment sécurisé par eux. Puis moi, je reçois un pourcentage des ventes. Mm-hmm. C'est que ça coûte pas plus cher à la personne de l'acheter. Elle encourage une libraire indépendante en plus de son choix. Elle l'a choisi. Puis moi, dans le fond, je reçois 4 % de ça. Puis ces 4 %-là, je leur donne en totalité. Donc, moi, je m'en vais sur ton site. Oui. Pas chez le libraire, mais non, c'est ça, c'est en bas sur mon site. Sur ton site. Et ouais. À partir de là, comment ça fonctionne? Il y a des liens d'affiliation. Ils sont clairement indiqués. C'est très transparent. Puis, dans le fond, les gens cliquent dessus. Puis, ça met comme un cookie, finalement, dans ton ordinateur. Ça montre, dans le fond, que c'est à moi qu'il faut que ça revienne, finalement, le 4 %. C'est qu'il faut accepter les cookies, mais de façon générale, on les accepte. Là. C'est que c'est ça. Puis, moi, je reçois le 4 %. Moi, dans le fond, ce que je vois dans mon dossier d'affiliation après, c'est tel livre. Acheté, mettons, une fois, ça m'a donné tel montant. C'est que je vois même pas qui l'a acheté. J'ai aucune idée. En fait, j'ai la date. Blur. Mais je sais pas plus que ça. C'est que c'est vraiment... La seule chose que tu sais, c'est ça. C'est à quelle heure, puis quand la personne a acheté un livre. J'ai aucune idée c'est quoi, sinon. C'est que, tu sais, c'est pas... C'est très confidentiel, finalement. Moi, j'ai pas accès aux informations personnelles des gens. Mm-hmm. Mais ça, sur mon blog, j'ai vraiment un article où je l'explique clairement comment faire... Je pourrais l'expliquer encore plus clairement, là, j'y travaille, mais ça, j'explique vraiment comment que ça fonctionne, comment qu'on peut agir, finalement. Et ce 4 %-là, dans le fond, où est-ce que tu le prends? Est-ce que les livres sont plus chers? Non, c'est le même prix. C'est que, dans le fond, c'est la commission, dans le fond, que les libraires me donnent parce que je leur amène des clients, finalement. Tu sais, c'est une vitrine que tu offres de plus ces libraires qui sont indépendants. C'est ça, tout à fait. C'est que c'est gagnant-gagnant. Moi, dans le fond, j'ai un 4 % qui demande... pas plus d'argent aux gens quand ils achètent leurs livres. Et ces profits-là, comment tu les dépenses concrètement? Ben, en fait, moi, c'est de l'argent que je redonne en totalité à des organismes en alphabétisation. Il y a rien qui te revient, dans le fond, rien. Pour faire en fait, rouler ton blog ou quoi que ce soit. Non, je paye pour faire ça. J'ai un point com, là, donc je paye pour avoir faire ça. Puis non, c'est 100% bénévole et j'investis là-dedans, puis ça me fait plaisir. Là, ça fait... Non, ça, je veux pas garder. Il y a des fois des gens qui me disent « Ah, tu devrais le garder, tu devrais en garder une partie. » Puis ça, je suis comme « Non! » Il y a des gens qui en ont plus besoin que moi, là. Puis c'est sûr que, tu sais, 4%, on se dit vraies affaires, là, pour que je fasse 100 $, c'est 2 500 $ de vente. Oui. C'est que c'est pas des montants, là, de fou, là, tu sais, par année, là. Quand même, j'ai donné un peu plus que 400 $ à date, là. C'est que c'est pas fou. C'est 400 $, quand même, où est-ce que je fais de la sensibilisation. C'est 400 $ qui peuvent faire la différence, d'une certaine façon. Mais c'est ça, là, c'est pas... on n'en vit pas, là. comment tu choisis tes organismes? Ça, c'est la grosse question. J'avoue, hein, ça ouais, doit être difficile. C'est vraiment difficile. En fait, ce que j'essaie de faire souvent, c'est de trouver quelque chose qui va être un peu différent, puis que je vais pouvoir mettre de l'avant. Tu sais, comme là, par exemple, au printemps, j'ai donné 150 $ à Collège Frontières pour un programme, dans le fond, pour... Je vais l'expliquer autrement. Mettons, l'été, quand tu termines l'école en juin, t'es en deuxième année, tu termines l'école en juin, puis tu continues pas à t'éduquer pendant l'été, puis tout ça, tu retournes au mois de septembre, tu as des acquis que tu as perdus. Mm-hmm. Dans le fond, Collège Frontières a un programme où est-ce que dans le nord du Québec, le nord du Canada, puis tout ça, dans des communautés éloignées aussi, ils vont faire des programmes d'été, finalement, pour que les jeunes continuent à apprendre, puis qu'ils perdent pas leurs acquis. Puis il faut que ça soit le fun, hein, apprendre l'été. Il faut pas que ça soit contraignant. Puis mais ça, tellement. Il faut que ça soit le fun. Il faut que ça soit le fun à 365 jours par ça, année. Ça, je suis tout à fait d'accord avec toi aussi. Mais là, il faut que ça soit encore plus fun l'été. Tu sais, parce qu'il faut pas que ça fasse comme genre, ben, je suis en punition, c'est l'été, je prête ça. Tu sais. Puis surtout quand c'est difficile pour toi d'aller à l'école. Tu sais, puis que t'as toute l'année, c'est un défi t'as de la plus. Difficulté. Oh, ouais. C'est qu'il faut vraiment que ça soit intéressant. Puis ça, puis moi, je me suis dit, quand j'ai vu ça, je me suis dit, OK. Je vais donner une partie à eux. C'est que là, je donne des bons temps à des organismes comme ça qui vont faire quelque chose. Je me dis, ouais, j'ai envie d'aider ça, j'ai envie de contribuer à ça, j'ai envie de mettre ça de l'avant. Mm-hmm. C'est que ça, je voulais mettre ça de l'avant, puis ça montrait aussi que l'été, c'est important de continuer à apprendre, puis qu'on peut justement donner des trucs aussi pour que les parents puissent continuer avec leurs enfants pendant l'été à transmettre des connaissances, finalement. Là. C'est tellement... On parle d'alphabétisme, d'alphabétisation. Concrètement, cette cause-là, c'est quoi exactement? C'est-à-dire, comment on peut expliquer l'alphabétisation? Tu en as parlé un peu en début d'émission, comme quoi qu'il y a 53% des gens au Québec qui sont analphabètes fonctionnels, oui. C'est-à-dire analphabètes fonctionnels qui peuvent lire un livre, mais qui ne seront pas capables de se rappeler du paragraphe. Ils vont lire, puis en même temps, ils ne comprendront pas la signification des mots tout ensemble. Oui, c'est ça. Mais mettons, dans un article de journal, tu vas lire un paragraphe, tu ne comprends pas tout à fait, tu n'es pas capable de saisir c'est quoi l'information qui est importante à l'intérieur. Tu vas lire plusieurs fois pour le comprendre. C'est ça, des choses comme ça, des fois, qui vont arriver. C'est ça, c'est un certain niveau. Mais il y a aussi des gens que c'est beaucoup plus difficile. Il y en a des gens pour qui, c'est ça, lire un mot, c'est impossible. Il y en a qui remplir des formulaires, c'est super compliqué. Puis, en fait, moi, ce qui m'impressionne beaucoup des gens qui ont des difficultés en lecture et en écriture, c'est qu'ils sont des brouillards, mais vraiment pas à peu près. Là. Oui, je confirme que. Ils sont vraiment des brouillards. Je vais vous donner un exemple là, vraiment concret. Mettons une médication. C'est mettons qu'on te dit, ah, ben, t'as des médicaments à prendre deux fois par jour. Ça, est-ce que c'est une pilule deux fois par jour ou c'est deux pilules une fois par jour? Ou, tu sais, il faut que tu apprennes ça par cœur parce que tu réussiras pas à relire ta prescription après. C'est complètement fou. Ben, je vais juste donner un exemple d'une émission précédente, comme je disais tantôt, que je parlais d'alphabétisation avec Alphabet Yvanier. Et il y avait une dame qui était ici, elle m'a tellement impressionnée. Mes invités m'ont impressionnée, mais cette dame-là, cette histoire-là, ça m'a jetée en bas de ma chaise. J'ai dit, mais comment vous faites? Elle a son permis de conduire, mais j'ai dit, comment vous avez fait? Puis comment vous faites pour vous promener? Elle, à toutes les fois qu'elle avait une nouvelle place à aller, il fallait que, avec son mari la veille, lui, il allait faire un tour d'auto parce qu'il était au courant, tout ça. Mais elle allait à la place avec son mari, montrait le chemin et le lendemain, elle pouvait le refaire. Donc, tu sais, c'est... La mémoire. La mémoire visuelle, photographique se développe d'une manière assez phénoménale. Ouais. Et c'est des gens qui sont hyper débrouillards. Ouais. Ils n'ont pas le choix. Non, c'est ça, pour vivre en société, t'as pas le choix. On a besoin de comprendre, de signer un bail pour louer un logement. On a besoin de comprendre qu'est-ce qu'on signe. Ben oui, puis dans le fond, faire valoir ses droits quand t'as des difficultés en lecture par écriture. Hey, même juste nous, là, tu sais, comme un des mortels où est-ce qu'on se dit, ah, ben regarde, moi, mettons, j'allais à l'université, puis ça, ben des fois, il y a des formulaires que je trouve compliqués. Ça arrive, là. Il y a des formulaires, des fois, tu te dis, ben voyons donc, c'est donc bien compliqué, je comprends pas le sens de la question, qu'est-ce qu'il faut que je réponde? Ça m'arrive, là. Mm-hmm. Tu sais, puis je veux dire, c'est ça, c'est que j'étais à l'université. C'est qu'imagine quand il y a quelqu'un plus de difficultés, comment ça peut devenir un casse-tête de faire valoir ses droits, de bien remplir ses choses, tu sais, faire sa déclaration d'impôt, signer un bail, tu le disais, n'importe quoi, tu sais. C'est aller vraiment... à la banque. Aller à la guichet, banque. Non, ça c'est ça. Niaiseux, là, non, mais c'est ça. Tout est compliqué, en fait. On réalise pas à quel point. T'sais, posez-vous la question aujourd'hui, là. Genre, t'sais, est-ce que j'écris? Ah oui. Imagine si, mettons, je pouvais pas écrire ça. Ah, tu sais, telle affaire que je viens de lire. Hey, imagine si je pouvais pas lire ça. Vous allez voir à quel point que c'est partout. Moi, je te propose une autre chose aussi. Je te lance ça direct en onde. On se connaît un petit peu, Julie, tu le sais. J'aime ça te lancer des défis. La nouvelle forme d'analphabétisme, en fait, est devenue vers Internet. Tout à fait. Donc, je crois que ça serait peut-être ton site, ton blog est sur Internet. Oui, tout à fait. Donc, je pense que cette sensibilisation-là, je te lance la balle, t'en fais ce que tu veux. Et je pense que la sensibilisation aussi à l'accès, parce qu'on parle des comptes bancaires, tout est par Internet. Oui. Les gens, de moins en moins, vont aller... Et les heures sont raccourcies aussi, là. Si tu travailles, tu ne peux pas rencontrer quelqu'un derrière un comptoir à la banque ou à la caisse, là. C'est, mm-hmm. c'est à peu près... OK, oui, il y a certaines banques qui se vendent de ça, mais quand même, les heures raccourcissent, les services sont de plus en plus dirigés vers Internet, que je pense à des banques en ligne. Mm-hmm. Et ces gens-là... Qui sont analphabètes fonctionnels ou analphabètes complets, si on complet, veut. Complets, oui, plus ou moins, deviennent aussi. Puis, il y a une nouvelle sorte qui sont analphabètes au niveau informatique. Oui, tout à fait. Bien, moi, j'ai donné des cours en alphabétisation, je donnais des cours d'informatique de base, entre autres, parce que c'est vraiment les mêmes sentiments. La personne qui a de la difficulté avec Internet, elle éprouve les mêmes sentiments qu'une personne qui a des difficultés à lire ou à écrire. Ou à se déplacer ça, aussi sur ça. Une rue, c'est ça, c'est à ça. Lire quelle rue que je suis rendue, c'est si ça, c'est tu ça. Le sais pas. Là. C'est ça, c'est ça. C'est que la personne qui a de la difficulté avec l'informatique, puis ça, puis l'accessibilité, c'est vraiment, c'est super important. Puis comme moi, quand je donnais des cours en alphabétisation, souvent, une des portes d'entrée pour les gens qui ont des difficultés en français, parce que nous, c'était au niveau français qu'on donnait des cours, ou en mathématiques, souvent, une des portes d'entrée, c'était l'informatique, parce que quand tu as des difficultés en informatique... Ça passe mieux un peu de dire, ben, tu sais, moi, je suis pas très bon avec ça. C'est que ça peut être une porte d'entrée qui est plus facile que de dire, ben, moi, je suis pas très bon en français. C'est que, tu sais, ou je sais pas compter, ou peu importe. Mm-hmm. Et des fois, on commençait par là pour créer un lien de confiance avec les gens, puis tout ça. Mais ça aussi, on prend ça pour acquis, nous, des fois, là, tu sais, de fait que l'informatique, on est donc bien. C'est ça, puis ça va donc bien bien, puis ça. Puis moi, je suis consciente du fait que les gens. Pour lesquels je fais ça, mon blog. Tu sais, je le fais, entre autres, pour moi, parce que, je veux dire, ça me remplit tellement, là. Tantôt, tu disais, ah, c'est généreux, puis ça. Je suis d'accord, Kim, c'est super généreux. Moi, je me trouve moins généreuse, tu sais, parce que j'ai vraiment l'impression, ah, puis là, tu me fais des gros yeux, je le sais. Puis, toutes les fois qu'on me dit, genre, Julie, c'est le fun, ce que tu fais, puis ça, je suis comme, ouais, ouais, mais, tu sais. Mais, sérieusement, c'est tellement naturel pour moi de faire ça, de m'impliquer là-dedans, puis tout ça. Mais. Ben, moi, je peux le dire, c'est généreux. Ben, je l'entends, merci. C'est généreux, prends-le. Et... Mais, ça, mais les gens pour qui je le fais, pour qui je m'implique, je suis consciente qu'ils ne peuvent pas nécessairement lire mon blog. Mm-hmm. Mais en même temps, je suis consciente que je peux passer par d'autres gens pour changer le monde de la façon que je suis capable de le faire, tu sais, à la hauteur que je peux le faire. C'est une belle cause. C'est une belle cause, ça aussi. Merci, Julie. Il nous reste quelques minutes à peine. Ça passe vite, hein? Tellement. J'aimerais qu'on parle de comment on peut vous aider, autant du côté de Kim avec ta cause, que je rappelle le nom, qui est... parce que je le rappelle le nom, pourquoi? Parce que, pas parce que j'ai un problème de diction, ça, les gens qui m'écoutent aux différents le savent. J'ai un problème de diction par bout, comme on dit en mot québécois. pour l'épidermolyse bulleuse, cette maladie-là qui est rare, qui est une maladie génétique incurable et que les gens n'ont pas une espérance de vie énorme non plus. On se rend à l'âge adulte, mais on tout dépendant de la gravité. Tout dépendant de la gravité, oui. On peut aller jusqu'à 80, là, mais ça dépend vraiment de la gravité de la maladie. Oui. Mais si elle est plus grave, l'espérance de vie est plus dans courte. Dans la vingtaine. Oui. Et tu t'impliques, on le dit, avec Debra Canada, tu fais un quilloton. Oui. Qui n'aime pas jouer au bowling? Mais c'est ça, je me dis. Nos, il n'y en a pas gros. On n'a même pas besoin d'être bon. C'est ça. Non. Moi, j'ai aucun talent et je vais aller jouer. On va avoir du plaisir. Le 21 octobre prochain, ça se passe au Quai Univers Frontenac sur Jean Talon à Québec. Et puis, combien ça coûte? Comment on procède pour venir t'aider, pour aller jouer au hockey pour une bonne cause? Bien, on peut aller sur Facebook. On trouve le lien de Debra Canada, qui est debracanada.org. On peut aller directement sur le site, payer notre inscription. Sinon, on peut passer directement par moi. Vous pouvez me payer en argent. C'est 20 $ par adulte, 10 $ par enfant. Ce soir-là, on va avoir des hot dogs aussi. Venez souper avec nous. Il y a des billets aussi, je pense. Est-ce qu'il y a des billets de tirage? Oui, absolument. On a des beaux prix. On a vraiment eu la chance d'avoir des beaux prix. J'aimerais juste dire un petit merci rapidement à Aventure Inukshuk. Aventure Inukshuk, c'est une compagnie de traîneaux à chiens à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. J'ai même pas eu à leur vendre l'idée. Je leur ai parlé 5 minutes quand j'ai appelé le propriétaire, Carole Lépine. J'ai dit, Carole, je fais une levée de fonds pour des enfants malades, t'embarques-tu? Ça a pris 3 secondes. Oui. Donc, eux autres nous offrent une belle balade en traîneau à chien. Donc, cet hiver, oui, c'est un super prix. Alors, ça va vraiment être trippant là, pour les gens qui peuvent venir jouer avec nous. Ils peuvent courir la chance de gagner ce prix. Le lien du quilloton Debra Canada, je vais le mettre aussi sur la page Les Différents, sur la page Facebook Les Différents. Je pense que tu vas continuer tes levées de fonds un peu partout. Tu as l'air à vouloir vraiment t'impliquer de plus en plus. Oui. Julie, on va sur ton site pour julielioli.com. Oui, tout à fait. Et pas julieauli.com. Hein? Non, c'est ça. Donc, Julie lit au lit. Donc, je lis dans mon lit, là. Oui, elle lit. Elle lit dans son lit. C'est ça. Donc, sur mon blog, vous pouvez aller voir ça. Il y a beaucoup d'informations. Puis sinon, j'ai une page Facebook. Je suis sur les réseaux sociaux. Et je vais mettre, comme je dis, tous les liens sur la page Les Différents pour qu'on puisse vous retrouver. Donc, je vous invite d'ailleurs, si vous avez des commentaires pour les émissions que vous avez écoutées, vous avez des suggestions, n'hésitez pas pour justement nous faire des commentaires. On aime ça, sentir le pouls des auditeurs. Donc, merci à vous deux, Julie Collin pour julielioli.com et Kim Conroy pour la fondation debracanada.org si vous voulez toutes les informations et le quilloton qui s'en vient. Merci à vous deux. Merci.